l'instant venu de t'embrasser. Oh, c'est le vide quand tournent mes bras. Ce pourquoi je suis décidé. Étincela, je veux te voir et ne pas te décevoir. L'instant venu de m'en aller, c'est ton sang qui coule en moi. Ce pourquoi je suis terrassé.